faire loin de mon monde. Dans l'univers, le temps me gronde. Je suis enfui de mon passé. J'ai atterri dans ce merdier. À peine sorti de mon cocon, le moindre bruit me rendait con. Bien s'ajouter l'air respiré, cette pesanteur vient m'étouffer. J'ai rétabli mon habileté à conquérir ma liberté. J'ai peur des bêtes, j'ai peur des fêtes, mais je suis prêt à m'en durcir. M'adapterai à cette planète, à cette.